Blanc, un homme des comment savoir, à traîner dans les bars, à m'étouffer dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir, mais pas. J'ai une petite histoire. Suffit à la changer en gentil. Dans un seul lien fini, son lion doit finir sa vie. Et les lumières dansent dans l'ambulance. Et elle tue sa dernière chance. Et tout ça n'a plus d'importance. Elle part. Oh, elle n'a pas d'autre histoire. Allez, vas-y, jolie petite guitare, thank you.